Essai de Charlotte pour Audiocité. Le banquet, Platon. Traduction par Dacier et Groux, révisée par Émile Cesset. Je crois que je suis assez bien préparée à vous faire le récit que vous me demandez, car tout dernièrement, comme je me rendais de ma maison de Falaire à la ville, un homme de ma connaissance, qui venait derrière moi, m'aperçut et m'appelant de loin: Homme de Falaire, s'écria-t-il en badinant, Apollodore, ne peux-tu ralentir le pas? Je m'arrêtai et l'attendis. Apollodore, me dit-il, je te cherchais justement. Je voulais te demander ce qui s'était passé chez Agathon le jour où Socrate, Alcibiade et plusieurs autres y soupèrent. On dit que toute la conversation roula sur l'amour. J'en ai bien su quelque chose par un homme à qui Phénix, fils de Philippe, avait raconté une partie de leur discours. Mais cet homme ne put rien me dire de certain sur le détail de cet entretien. Il m'apprit seulement que tu le savais. Conte-le-moi donc. Aussi bien est-ce un devoir pour toi de faire connaître ce qu'a dit ton ami. Mais avant tout, dis-moi, étais-tu présent à cette conversation? Il paraît bien, lui répondis-je, que ton homme ne t'a rien dit de certain, puisque tu parles de cette conversation comme d'une chose arrivée depuis peu et comme si j'avais pu y être présent. Je le croyais. Comment, lui dis-je, Glaucon, ne sais-tu pas qu'il y a plusieurs années qu'Agathon n'a mis le pied dans Athènes? Pour moi, il n'y a pas encore 3 ans que je fréquente Socrate et que je m'attache à étudier chaque jour toutes ses paroles et toutes ses actions. Mais avant ce temps-là, j'errais de côté et d'autre et, croyant mener une vie raisonnable, j'étais le plus malheureux de tous les hommes. Je m'imaginais, comme tu le fais maintenant, qu'il n'était rien dont il ne fallût s'occuper plutôt que de philosophie. Allons, ne raille point, mais dis-moi, quand eut lieu cette conversation? Nous étions bien jeunes, toi et moi. Ce fut dans le temps qu'Agathon remporta le prix avec sa première tragédie, et le lendemain du jour où, en l'honneur de sa victoire, il sacrifia au dieu entouré de ses choristes. Tu parles de loin, ce me semble, mais de qui tiens-tu ce que tu sais? Est-ce de Socrate? Non, par Jupiter, lui dis-je, mais de celui-là même qu'il a raconté à Phénix. C'est un certain Aristodème du bourg de Cyde d'Athènes, un petit homme qui va toujours nu-pieds. Il était présent, et si je ne me trompe, c'était alors un des hommes les plus épris de Socrate. J'ai quelquefois interrogé Socrate sur des particularités que je tenais de cet Aristodème, et leur récit était d'accord. Que tardes-tu donc, me dit Glaucon, à me raconter l'entretien? Pouvons-nous mieux employer le chemin qui nous reste d'ici à Athènes? J'ai consenti. Et nous causâmes de tout cela chemin faisant. Voilà comment, je vous le disais tout à l'heure, je suis assez bien préparée. Et il ne tiendra qu'à vous d'entendre ce récit. Aussi bien, outre le profit que je trouve à parler ou entendre parler de philosophie, il n'y a rien au monde à quoi je ne prenne tant de plaisir. Tandis que je me meurs d'ennui, au contraire, quand je vous entends, vous autres riches et gens d'affaires, parler de vos intérêts, je déplore votre aveuglement et celui de vos amis. Vous croyez faire merveille et vous ne faites rien de bon. Peut-être vous aussi, de votre côté, me trouvez-vous fort à plaindre. Et il me semble que vous avez raison. Mais moi, je ne crois pas que vous êtes à plaindre. Je suis sûre que vous l'êtes. Tu es toujours le même, Apollodore, toujours disant du mal de toi et des autres et persuadé que tous les hommes, excepté Socrate, sont misérables, à commencer par toi. Je ne sais pas pourquoi on t'a donné le nom de furieux, mais je sais bien qu'il y a toujours quelque chose de cela dans tes discours. Tu es toujours aigri contre toi et contre tout le reste des hommes, excepté Socrate. Il te semble donc, mon cher, qu'il faut être un furieux et un insensé pour parler ainsi de moi et de tous tant que vous êtes? Ce n'est pas le moment, Apollodore, de disputer là-dessus. Rends-toi sans plus tarder à notre demande et redis-nous les discours qui furent tenus chez Agathon. Les voici à peu près. Ou plutôt, prenons la chose dès le commencement, comme Aristodème me l'a raconté.